Voici donc Factum ou Philippique à Nicolas. Vous êtes un anthrax, un furoncle, une exhalaison d'air castule, un remugle de ministère, une tumeur, une dichotomie pathogène, une dichotomie pathogène. Entre le plaisir et l'orgasme, entre le fromage et la poire, entre l'entre-deux-mers, entre le coca et le Pepsi, le blanc bonnet et le bonnet blanc, la guillotine et l'échafaud de chauve échevelé et le mont chauve. Vous êtes un anthrax, flegmon dantesque, hérésipèle héréditaire, un dictionnaire de bonne manière, une dichotomie pathogène, une dichotomie pathogène. Entre un salmigon dit de rosette, mi de lion, mi de champollion. Entre le sportif et l'athlète, entre l'athlète et le PO, entre l'alcool et l'alambic, entre la chèvre et le chouchène, le chêne et le roseau, le zoo et l'eau des steppes, le stéthoscope et le micro, Horace et les curias. Vous êtes un anthrax, un musicien à cryptogame, un goupillon étiphalique, un iceberg anti-titanique, une dichotomie pathogène, une dichotomie pathogène. Entre le dentiste et la dent, entre Adam qui entra dans Ève, entre la lèvre et le palais, entre le poil et le pavot, entre le paquebot et le pied-bot, la botanique et le pavot, le veau sous la mer et le boucher, chez qui je vais faire mon marché. Vous êtes un anthrax, une pituite, un prurite, un foutre d'huître, une bourriche, une outre, un organigramme de la DAS, un vétéran de l'agence TAS. Une dichotomie pathogène, une dichotomie pathogène. Entre Mahomet et Jésus, entre Jésus et je sais plus, entre la pluie et le beau temps, le temps perdu et retrouvé, le trouver et le troubadour, le badinter et le pendu, le durillon et le corps au pied, le pied à terre et le rat de marée. Vous êtes un anthrax, un miasme, champignon mycochondriaque, un anneau d'anus scrofuleux, pâte à caisse de pastèque aztèque, une dichotomie pathogène, une dichotomie pathogène. Entre Diderot et Camembert, entre Alembert et Livaro, entre Rudebeuf et l'entrecôte, entre un verre de côte de Millau et une fiole de Lavoisin, entre l'Argoussin et le Pandore, vous êtes un anthrax, un pédorache, une bouse humide, une barbouze, agent détergent, un futur ersatz d'androïde, moitié germe mi-embryon, un spermato sarcosyïde, éjaculat de courtisan dans un utérus bien pensant. Même pas le fruit du plaisir, et vous croyez être plaisant, monsieur le futur président, vous êtes un anthrax. Vous êtes un anthrax, une jambe de bois sans talleyrand, un avorton avatar de vie de Cantoc, même pas une merde dans un bas de soie, tout juste une crotte dans un Kleenex. Vous êtes un anthrax, vous êtes un anthrax, vous êtes un anthrax, vous êtes un anthrax, vous êtes un anthrax. Vous êtes un anthrax.